지나가니 비춰봐니 그대 알아미 지치 더봐 푸른 난 몰라 파파스 퓨슈리 지치 헤비 헤비 다몽 젤와 달리 미모스비 마리 가니 더자 이베야 몰라 다쥬아 파이 지나가니 비춰봐니 그대 알아미 지치 지나가니 미춰봐니 그대 알아미 지치 더봐 푸른 난 몰라 파파스 퓨슈리 가니 더자 이베야 몰라 다쥬아 파이 Je gagne au poker à Las Vegas. Chivas régale, regarde de glace. Ta meuf est bonne, ta cuisine est des pâtes. Elle voit les copains direct, elle écarte. Lamborghini super légère. Je fume toute la réserve fédérale. Je pèse lourd comme un scorpio. On me craint comme la scampia. J'enregistre un délit, montagne de Kabylie. On a les couilles à brûler. Sur le taulier, des bouteilles de 6 litres. Je me ravitaille chez Libby. On a big meat, y'a la whisky. Musique remplie de weed. Avec mes associés du cri. Gros set dans la piscine. Il fume dans la pièce, j'tire, tire sur la pleine. Avec une gemme ma gomez, grosse claque sur ses fesses. Je repars en itch, je repars en itch. Quand moto japonaise, la marque de mon nom écrit en polonais. C'est l'autre année, on a grandi dans la nuit. Je pars à dormir entre moi et mon calibre. J'remplis les sacs Louis et on se barre en ville. J'pourrais rouler jusqu'à mes délimes. J'suis dans le carré, puis j'envoie les bouteilles à la mi. Faut pas pour une dame, on l'a pas parce que j'suis rich. Bitch, baby, évidemment, j'ai le droit d'allumer mon speech. J'arrive dans un Uber, on l'a pas dur par itch. J'suis dans le carré, puis j'envoie les bouteilles à la mi. J'suis dans le carré, puis j'envoie les bouteilles à la mi. Faut pas pour une dame, on l'a pas parce que j'suis rich. J'arrive dans un Uber, on l'a pas dur par itch. Oublie pas, qu'on rêvait du DC sans goûter l'entrée. T'inquiète pas, on fait que manger rien, moi tu me parles de branger. J'ai pas de train arrière, aucun amour pour l'armistice. Qui va nous raqueter, je vais les tuer de service. Profite de mon corps, ne crois pas qu'on se reverra. Je veux que mes petits pas du Gilera au Carrera. Et là c'est pété le Rema, paye sans bénéfice de la MD. T'as aucun trou dans le taille. On me rouge en pied, on vire au doigt. Venez me passer les bracelets. Oh, j'étais bourré, j'ai oublié de te rappeler. Rappelez. On coûte les billets, les écoutes et les abonnés. Oh, j'y vais, j'y vais, j'me fais te remettre le cas. On a toujours fait ce qu'il fallait. J'suis dans le carré, puis j'envoie les bouteilles à la mythique. Faut pas pour une dame, on l'a pas parce que j'suis rich. Bitch, baby, évidemment, j'ai le droit d'allumer mon speech. J'arrive dans un Uber, on l'a pas dire par itch. J'suis dans le carré, puis j'envoie les bouteilles à la mythique. J'suis dans le carré, puis j'envoie les bouteilles à la mythique. Faut pas pour une dame, on l'a pas parce que j'suis rich. J'arrive dans un Uber, on l'a pas dire par itch. Thanks.